Bonsoir fidèles auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue dans cette édition vespérale. D'abord, ces grandes articulations. L'organisation des élections de 2015 et celle en cours de préparation sont les unes des réalisations prouvant l'indépendance du Burundi. Cela a été dit par le président de la République du Burundi dans son discours à la Nation ce dimanche à l'occasion de la commémoration du 57e anniversaire du Burundi. Des habitants de la colline Kinyinya 2, zone Rukaraman, commune Mutimbuzi, déplore l'alimentation en eau qui n'est plus potable à cause des saletés qu'on trouve dedans. Le chef de cette zone fait savoir qu'il a informé les autorités de la régie des eaux de ce problème, mais qu'ils sont toujours en attente de sa résolution. Nous vous avons préparé la chronique sportive qui va nous parler de l'athlétisme et de son évolution. Dans un instant, vous aurez les détails. Vestine Boutou est à la présentation de ce journal. La mise en onde était assurée par Alphonse Koubrimana. Bienvenue encore une fois. Rebonsoir, ce lundi le 1er juillet, c'est le jour de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Le pays a été proclamé indépendant en 1962 grâce à la bravoure de son héros, Prince Louis Rwagasore. Les festivités de cette journée au niveau national se sont déroulées dans la capitale économique de Bujumbura. Certaines réalisations au Burundi prouvent à suffisance que le pays est indépendant. Dans un discours à la Nation sorti ce dimanche, à l'occasion de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Burundi, le président Pierre Nkurunziza cite entre autres l'organisation des élections précédentes et celles qui sont en cours de préparation, mais aussi la mise en place des différentes commissions, dont l'Observatoire de lutte et de prévention contre le génocide. Suivez le numéro 1 Burundi dans la traduction française d'Eli Nibigir. Ukwikukira suko abanyamahanga basubiye wabo ahubwo nubwo bubasha ntayigayezwa abene igihugu baronka ko gutunga l'indépendance n'est pas le retour des colons chez eux, mais plutôt cette force inaliénable des Burundais pour gérer leurs affaires, d'où pas mal de réalisations. Je voudrais citer entre autres le droit de vote des Burundais pour se choisir leurs dirigeants. Cela s'est manifesté lors des élections de 2005, 2010, 2015 et 2018 lors du récent scrutin référendaire sur la Constitution, préparé et réalisé du début à la fin par les Burundais sans aucune contribution étrangère. C'était la toute première fois. Et maintenant, s'approche le rendez-vous électoral de 2020. Ici, les Burundais sont encore une fois en train de les préparer et nous espérons indubitablement que ces élections vont se dérouler dans la paix et la sécurité. Il a été mis en place des commissions au service de la population pour nous aider à nous retirer définitivement entre le marteau et l'enclume où nous avons été placés par les étrangers. On citerait l'Observatoire de prévention du génocide, la Commission nationale des terres et autres et biens, la Commission vérité, réconciliation et autres, et elles sont à l'œuvre. Il y a aussi l'élaboration du plan national de développement 2018-2027, un document important qui va nous servir de référence. Il a été élaboré par les experts burundais et avec des moyens intérieurs, SOPA et d'envergure. Dans son même discours à la Nation, le président de la République appelle les Burundais en exil à regagner le pays, mais le président Pierre Nkurunziza précise que ceux qui sont poursuivis par la justice doivent comparaître en justice car sans lui, il ne leur reste pas d'autre voie. Encore une fois, suivez-le. Nous voudrions rendre hommage à nos héros, assassinés pour la seule raison qu'ils ont défendu le bien et les valeurs du pays. Nous faisons également un clin d'œil à ceux qui resteraient au service des étrangers de se ressaisir, car qui trahit son pays finit mal, vous en êtes témoin. Nous exhortons au Burundi en exil de rentrer, mais aussi des hommes politiques en exil, de se rappeler de leur patrie. Les Burundais les attendent impatiemment, mais pour ceux qui sont poursuivis, la justice les attend, car le procès reste là. D'autres voies qu'ils comptent emprunter sont déroutantes, ils perdent leur temps, car ils n'arriveront jamais à destination. La Confédération des syndicats des travailleurs du Burundi, Cossibo en sigle, accueille favorablement le contenu du discours du président de la République portant commémoration du 57e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Tarcisse Gahungu, qui préside cette confédération syndicale, demande que surtout les avantages que le chef de l'État a accordés aux fonctionnaires de l'État soient mis en application le plus tôt possible. Suivez-le. Nous avons accueilli très très positivement le contenu du discours, de tout le discours, et spécialement ce qui concerne l'arrêt des contributions volontaires pour les élections. Maintenant, ils ont dit que finalement, la PAC qui revient pour ses contributions est presque là. Donc, nous accueillons favorablement cette mesure. Et nous osons espérer aussi que dans le futur, sur ce qui a trait au salaire, etc., qu'il y aura toujours des négociations sur ce. Nous avons aussi accueilli favorablement la reprise de l'octroi des annales. Et nous avons aussi très bien accueilli la hausse des frais funéraires. Mais je crois que dans le discours aussi, il a été cité que dans le futur proche, si les conditions le permettent, et que les pensions de retraite, comment les retraités vont être, disons, que le gouvernement va étudier comment revoir aussi à la hausse ça. Nous avons accueilli toutes ces mesures très très favorablement et nous espérons que ces mesures seront appliquées très très rapidement. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Il est 18h07 et dans les studios de la radio Isanganiro, continuons ce journal. Les importations sur les trois dernières années ont augmenté par rapport aux exportations. Comme décrit sur le site web de la Banque de la République du Burundi, le commerce extérieur étalé augmente. Des précisions de Mireille Kanyangé. Selon les statistiques trouvées sur le site de la Banque centrale sur la structure des importations, les biens de consommation pour l'agriculture et l'élevage, l'alimentation et les constructions étaient de 500 000 tonnes en 2016 pour passer à plus de 552 tonnes en 2017 afin d'arriver à près de 690 tonnes en 2018. Et pour les biens d'équipement, dont les pièces et outillages, tracteurs et véhicules de transport, ils sont passés de 30 000 tonnes en 2016 et 2017 pour augmenter de 10 tonnes en 2018. Quant aux biens de consommation, ils ont été de 178 tonnes en 2016, de 239 000 tonnes en 2017, pour être près de 250 000 tonnes en 2018. Concernant les exportations sur les trois dernières années, les produits primaires, notamment le café marchand, le thé, étaient de 37 000 tonnes en 2016 pour passer à 42 000 tonnes en 2017 et 40 000 en 2018. Pour les produits manufacturés, notamment les bières, farine de blé et savon, ils sont passés de 46 000 tonnes en 2016 pour passer à 50 000 tonnes en 2017 et augmenter de 12 tonnes en 2018. Se référant sur la structure du commerce extérieur sur les trois dernières années, les exportations et les importations sont allées augmentant, mais les importations restent supérieures aux exportations. Merci Mireille Kanyang. Certains habitants de la colline Kinyinya 2, zone Rukarama, commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura, déplorent qu'ils soient alimentés à une eau qui n'est plus potable. Ils expliquent que cette eau est impure parce qu'elle est mêlée à des algues et autres choses. Ces habitants craignent les maladies d'amensales qui pourraient surgir, notamment la diarrhée et le choléra. Le chef de zone Rukaramu, Leonidas Nibigira, affirme qu'il est au courant de la situation et qu'il en a déjà informé les agents dans la régie des eaux dans cette région. Les détails avec Naomi Mireille Nitegeka. Des habitants de la colline Kinyinya 2, zone Rukaramu de la commune Mutimbuzi, déplorent qu'ils puissent de l'eau impure dans leur robinet et que quand on essaie de la distiller, il indique que ça reste sans effet. L'eau puisée dans nos robinets est sale. Elle contient des restes du thé, des algues rouges. Quand nous essayons de la distiller, après quelques jours, on y trouve toujours des petits microbes presque invisibles stagnés au fond. Ils expliquent que pour avoir de l'eau pure, ils sont contraints d'effets effectuer un long trajet avec le ticket de 1000 francs pour un taxi vélo. Et ceux qui ne peuvent pas y aller achètent un bidot de 20 litres entre 800 et 1300 francs bou. La majorité d'entre nous ne peuvent pas boire l'eau que nous utilisons ici. Ils se donnent la peine d'aller chercher l'eau à Rukaramu et on est obligé de payer un taxi vélo 2000 francs pour aller puiser cette eau. Et si on en achetait à quelqu'un qui s'y est rendu, le bidon coûte dans ce cas entre 800 et 1300 francs bou. Ces habitants s'inquiètent pour leur santé, que les maladies des mains sales, entre autres la diarrhée et le choléra, peuvent les envahir si rien n'est fait dans les meilleurs délais. Premièrement, les conséquences qui s'observent ici sont que, ici chez nous, il y a beaucoup de maladies. Si l'enfant tombe malade et qu'on l'emmène à l'hôpital, l'enfant meurt tout d'un coup. Même les adultes ont souvent des maux de ventre ainsi que la diarrhée. Moi, je pense que tout ça est dû à cette eau que nous utilisons, qui n'est pas propre. Au moment où ces habitants de la colline Kinyinya 2 supplient à être réalimentés en eau propre, le chef de zone Mutimbudi Leonidas Nivigira dit être au courant de la situation et affirme qu'il en a déjà fait le plaidoyer auprès des agents de la régie des eaux de cette localité. Et oui, nous l'avons appris dans le rapport que nous avons reçu. Cela s'est passé sur la colline Kinyinya 2 et nous avons transmis ce rapport, mais l'urgence a été d'informer le responsable régional de la régie des eaux. Et lui, il nous a dit qu'ils vont envoyer des experts pour voir ce qui s'est passé réellement. Et nous allons leur indiquer l'endroit où ce cas s'est fait remarquer. Leonidas Nibigira fait savoir que la situation persiste sur cette colline de Kinyinya 2 depuis le début du mois de mai. Radio Isanganiro, chronique sport. À présent, parlons de la chronique sportive. L'athlétisme a été pratiqué depuis longtemps au Burundi et elle a connu l'évolution en 1998 après l'agrément de la Fédération burundaise d'athlétisme. Propos du directeur technique national au sein de la Fédération burundaise d'athlétisme, Sylvain Saint-Guillaume, va faire savoir que le manque des infrastructures modernes et formation pour les entraîneurs sont certains défis auxquels font face l'athlétisme au Burundi. Chronique sportive avec Léonce Vitalio. Les compétitions d'athlétisme ont été organisées depuis longtemps au Burundi. Seulement, et selon le directeur technique national de la Fédération burundaise d'athlétisme, c'est en 1998 que cette discipline a été opérée dans le respect de la loi. C'était juste après l'agrément de la dite fédération. Sylvère Nsengiyouva. La Fédération d'athlétisme du Burundi a été agréée en 1998. C'est là où les statuts ont été agréés comme une fédération. Sinon, l'athlétisme se pratiquait depuis longtemps. Il y avait l'athlétisme qui se pratiquait au niveau des écoles, sous le contrôle des pères blancs. Puis, il y avait l'athlétisme moderne organisé avec une codification. Ça a commencé avec les écoles et l'athlétisme militaire. Les compétitions scolaires et régionales ont permis la détection des talents et l'évolution d'athlétisme au Burundi, à en croire encore le directeur technique national de la fédération. Nous avons voulu vulgariser l'athlétisme au niveau des collectivités locales. Maintenant, il y a la détection qui se fait au niveau des écoles, au niveau des communes. Ça remonte jusqu'à ce qu'il y ait des compétitions, des petites compétitions locales. Mais généralement, les compétitions provinciales sont déjà codifiées. Une association qui est capable demande à la fédération, je vais organiser une compétition. Et là, la fédération appuie avec le peu de moyens qu'elle a. Ça remonte jusqu'au niveau des régions. Et là, à chaque niveau, il y a une compétition régionale qui doit regrouper toutes les associations provinciales de cette région. Et ce sont les équipes régionales qui vont se rencontrer au niveau d'une compétition nationale qui est organisée par la fédération pour voir quelles sont les équipes nationales que la fédération maintenant a. L'expert Sylvain Saint-Guillaume va renchérir que le manque d'infrastructures appropriées et la formation pour les entraîneurs sont certains des défis auxquels font face l'athlétisme au Burundi. Les premiers défis, les moyens sont vraiment inférieurs aux besoins. Le soutien n'est pas assez. La fédération, à elle seule, elle fait ce qu'elle peut comme une fédération. Elle a besoin d'être soutenue pour qu'il y ait un relais. Deuxième défi, c'est au niveau du problème des infrastructures. Vulgariser l'athlétisme, malheureusement, on n'a pas assez adéquat. Troisième défi, c'est que vraiment, il n'y a pas un soutien qui est clair, qui est vraiment visible. De par le reste, c'est-à-dire je veux dire que ce soit au niveau je veux dire tout le public, parce que là, on n'a que deux entreprises qui essaient de soutenir. Il y a Banque au bout, il y a aussi Compte Global. Là, vraiment, on les remercie beaucoup parce qu'ils ont essayé, ils ont vraiment soutenu la fédération pour que les résultats que vous voyez soient visibles. Il y a aussi la Fédération internationale qui nous soutient à base de subsides qu'ils donnent régulièrement pour qu'on puisse quand même organiser au minimum de l'administration et organiser quelques compétitions. Les formations au niveau de nos entraîneurs n'est pas régulière. Ça nous freine un peu parce que là, nous voudrions aussi qu'on ait des officiers techniques qui peuvent aussi aller officier au niveau international. Cela, en tant que DTN, je plaide pour qu'il y ait assez de formation, que ce soit au niveau des entraîneurs, que ce soit au niveau des officiers techniques, pour que les entraîneurs se spécialisent suffisamment en la matière selon les groupes d'épreuves. Ça nous aide aussi au niveau de l'entraînement de qualité. Le directeur technique national d'athlétisme appelle le ministère ayant les sports dans ses attributions et les amateurs de sport en général à soutenir les athlètes burundais. Pour lui, ceux-ci ont déjà prouvé leur capacité de représenter dignement le pays dans les compétitions internationales. Merci Léonce et Vitali Houy. C'est par cette chronique sportive que nous mettons un point final à cette édition vespérale. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Alphonse Koubimana pour sa mise en onde. Vestine Boutou, je t'ai à sa présentation. Je vous dis au revoir et agréable soirée.